crois que sur certains trucs, tu perds. Mais là, pour jouer, c'est plus difficile. Vu le bruit, les voisins. Sur une batterie électronique, mais non, mais tu passes dans les écouteurs. Tu mais je suis un blaireau à la batterie, hein. Ouais, mais tu branches ton truc, ton casque, la sortie casque du cerveau Roland, tu le fais en line-in sur ta carte son. Qu'est-ce que tu t'embêtes à être fatigué la tête à chercher des trucs MIDI? Franchement, le MIDI, ma batterie, une batterie pourrie, le cerveau, il est pourri le son du cerveau de la batterie, tu vois. Donc j'utilise le logiciel pour remplacer mes sons. Mais si j'avais le choix, si j'avais la Roland, bah, j'utiliserais pas. Ouais, j'ai essayé, attends. C'est un MIDI, hein. Il a le cerveau qui est conçu pour sur le marché. Attends, tu vas me dire si électronique ça existe au niveau comment dire, au niveau son, c'est le nec plus ultra quoi. T'as pas besoin de t'emmerder à les brancher en MIDI. Sortie stéréo, entrée stéréo sur ta carte son, n'oublie pas. Donc tu fais le panning, gauche-droite, pour avoir la stéréophonie correctement au niveau des tomes et tout. Et c'est bon, c'est tout. Sinon, t'as Jean-Pierre Franco, le batteur, il utilisait les Roland et tout. Je pense pas qu'il passe par le MIDI lui. Hein. Et c'est quoi ce son pourri là? Le Roland là, comme ça? Ah ouais, t'as même pas réglé les sons, il faut que tu règles tes sons. Cherche tes sons de tom, t'as ton son de caisse claire avant, sur ton module, sur le Roland. Tu peux te dire ce que t'as ta caisse claire, le son, le niveau et tout. Une fois que t'as ça, tu construis ton jeu de ton kit de batterie par rapport au son que t'as. Et là, une fois que t'as réglé tout ça, tu règles les volumes, tu mets un peu de reverb et je sais pas quoi. Et puis ben après, c'est bon. C'est déjà midi, le truc ferme à 1h, il faut que j'emmène ces gosses là récupérer le putain de câble, sinon ils vont m'en vouloir. Bon moment, putain, je vais en chier. Bon ben, je vous fais des grosses bises les mecs, c'était super cool. super bon jam cérébral, n'est-ce pas? Et ben, à bientôt, passez une bonne journée, et jusqu'à tout à l'heure, peut-être qu'on se croise, hein. Moi, je vais faire un aller-retour, et puis je reviens, donc si vous êtes là, on pourra jammer si c'est possible. Hein, voilà. Allez, de rien. Et Phil, je t'envoie, si tu veux, je te donne le truc de mon groupe, je monte le site en ce moment, on prépare le nouvel album, ben, j'espère que tu vas aimer. Il y a une chanson qui s'appelle 1000 kills. Ben, la batterie dedans, je m'éclate, mais ça c'est un petit cadeau pour les bassistes, parce que ce jeu de basse batterie, j'adore, il est top. Bon, je te l'envoie. Merci.